entre les murs de pluie. Le temps joue contre l'homme qui n'est pas né ici, n'y a jamais grandi. Au cours de cacher, loin des torches folles, le temps joue contre toi qui n'a pas le visage et les manières d'ici. Mauvais homme, cours contre la ville, ville, ville, ville. Oh, mauvais homme, pour sauver ta vie. En cours te cacher, loin des hommes fous, le temps joue contre toi. La haine est une prison dont on ne s'évade pas. Mauvais homme, cours contre la ville, ville, ville. Oh, mauvais homme, pour sauver ta ses âmes. Mais tu es beau, quoi que sera demain. Loin, loin, sur quel chemin vont s'échouer nos rêves. Je m'avance, c'est jouer nos rêves.